That's a deep one for the end zone. Thielen is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Cody did it! That play, here's a shot! Henderson made a wild snap for spell. Here's another shot! Right by the door! C'est long et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The man have won. Alors, bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, et bienvenue à la toute nouvelle édition de l'inconduite de partie sur les ondes du CFOU 89.1 sur la bande FM. Ben non tout le monde, bon matin tout le monde, bienvenue à l'inconduite de partie. Pierre-Luc Giroux à mes côtés. Pierre-Luc, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Écoutez, pourquoi ce joli thème ce matin? C'est simple, parce que ce matin, on va parler de religion, et plus particulièrement la religion du football collégial américain. C'est la saison des bowls qui commence très bientôt. Donc, on va faire un tour. On va voir tout ce qui est l'équipe de football de l'inconduite en studio. JP Grenier, Pierre et Guillaume Boyeux. Pierre-Luc Giroux aussi va nous faire sa chronique de hockey junior majeur. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça va être plaisant. Donc, c'est ça. Donc, on va avoir tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre en tout temps au live en commercial inconduitedepartie.com et vous pouvez accéder à notre site internet au www.inconduitedepartie.com. Aux actualités cette semaine. Alors, dans les actualités cette semaine, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, aucune équipe de sport des Patriotes de l'UQTR était en action. Les joueurs disposent d'un mois de congé pour préparer, congé de sport, bien sûr, pour préparer leurs examens. Ça fait du bien, des fois. Ah, ça fait tout le temps du bien d'arrêter de temps en temps. Donc, bonne chance à tous les étudiants sportifs de l'université. Par contre, les filles de soccer sont en train de préparer physiquement leur saison d'hiver. Ce sera très intéressant à voir. Au hockey des Cataractes, ils étaient en action pour 3 matchs en 4 jours, dont 2 dans la région de la Côte-Nord. Jeudi soir à Bécomo, au centre Henri-Léonard, c'était le dégelé de 8-1 pour les Cataractes. L'ailier droit Maxime Legault a connu toute une partie, récoltant 4 buts et 2 passes pour un total de 6 points. Vendredi, encore contre les Dracars de Bécomo, Shawinigan l'a emporté 5-2. Dans cette partie, c'est Matthew Peasley qui a été le héros du match pour les Cats, récoltant 2 buts et 1 passe. Et dimanche, les Cataractes étaient de retour dans la ville de l'énergie alors qu'ils affrontaient le Junior de Montréal. Et c'était une victoire éclatante de 5-2 contre l'équipe de Pascal Vincent. Dans cette partie, c'est le joueur vedette Nicolas Peterson qui a été nommé la première étoile du match, récoltant 3 points dont 2 buts. Au football, c'était la dernière semaine d'activité de la saison régulière de la division 1A de la NCAA. Dans les matchs qui étaient à surveiller, nous avions le championnat de l'ACC, l'Atlantic Coast Conference, qui allait permettre aux grands gagnants de jouer dans le FedEx Orange Bowl. Alors, le numéro 17, la position numéro 17 au classement, Boston College, affrontait le numéro 25, Virginia Tech. C'est une victoire pour Virginia Tech, 30-12, donc ça leur permet d'accéder au Orange Bowl. Le championnat du Big 12 entre les gagnants des sections nord et sud de la conférence était disputé samedi soir. L'équipe numéro 2 au pays, Oklahoma, affrontait le numéro 20, Missouri. C'est une victoire de 62-21 pour les Sooners d'Oklahoma. Avec cette victoire décisive, Oklahoma donc se qualifie pour jouer dans le championnat national. Et finalement, le match à surveiller, alors que le gagnant allait sans aucun doute se retrouver dans le match de championnat national. Il s'agissait du championnat de la Southeastern Conference, la SEC, entre numéro 1 au pays Alabama et le numéro 4 Florida. Et à la surprise, pas nécessairement à la surprise, mais une surprise, bon oui, une surprise un peu. Floride a remporté le match 31-20 contre le Crimson Tide. Donc, c'est la saison parfaite du Crimson Tide d'Alabama qui se finit sur une note très, très, très amère. Alors qu'ils se font raver leur place au championnat national par ces mêmes Gators de la Floride. Tim Tebow, qui n'avait jamais remporté une partie, Tim Tebow qui est le carrière de Florida, des Gators, n'avait jamais remporté une partie alors qu'il tirait de l'arrière en deuxième demi. Alors, il a renversé ça, c'est une victoire pour lui. Le classement final de l'Associated Press donne Florida premier au classement avec 50 votes de première place. C'est suivi d'Oklahoma avec 9 votes de première place. Texas finit troisième avec 6 votes de première place. Suivi d'Alabama, USC, Penn State, Utah qui a une fiche parfaite cette saison. Texas Tech en 8e position. Boise State, les Broncos, encore une saison parfaite pour eux. Et en 10e position, Ohio State. Toutefois, le classement de la BCS, on va vous expliquer c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ça dans la deuxième partie de l'émission, interchange les positions entre Florida et Oklahoma. Donc, c'est Oklahoma qui va porter les chandails locaux pendant le match de championnat national. Donc, c'est ce qui conclut les actualités pour cette semaine. On s'en va maintenant en musique avec la chanson qui occupe la 7e position au palmarès de C'est fou de cette semaine. On va aller écouter Caïman Fou avec... On va aller écouter Caïman Fou avec Amour Poursuite sur les ondes de C'est fou 89.1. Je ne crains pas les coups du sort. Je ne crains rien, ni les supplices, ni la dent du serpent qui mord, ni le poison dans les calices, ni les voleurs qui fuient le jour, ni les sbires, ni leurs complices. Ils fuient avec mon amour. Je me ris du bras le plus fort. Je me moque bien des malices, de la haine en fleurs qui s'étend. Je pourrais en faire mes délices. Je pourrais en faire mes délices. Je pourrais en faire mes délices. De la guerre au bruit du tambour, de l'épée aux trois artifices. Il suit avec mon amour. Et c'était Caïman Fou avec la chanson Amour Poursuite. Il est présentement 9h17:34. Je suis Nicolas Duchamp, Pierre-Luc Giroux à ma gauche, Guillaume Beaulieu qui vient d'entrer dans le studio. Salut les enfants. Ça va bien, ça va bien. Écoute pas, pire, il neige pas mal, hein? Ah, il neige, je sais pas, quoi, t'as-tu marché, t'as venu ici? Ouais, ben, petit banc de neige là en avant de la maison, pas le choix. Écoute, tant qu'à prendre l'option de pelleter le char 20 minutes, tout marche. Aussi bien 20 minutes, c'est ça. Sauf l'environnement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est mon conscience écologique. Pierre-Luc, ta chronique junior de hockey junior majeur, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour les Cats et les autres équipes de la région? Ben oui. Oui, Nicolas, donc cette semaine, la JMQ est en deuil puisque Guy Rouleau est décédé ce dimanche à l'âge de 43 ans suite à un cancer du cerveau. Rouleau a joué dans le junior majeur pendant 4 ans. Il a évolué pour les Olympiques de Hull qui ont d'ailleurs retiré son chandail et pour les Chevaliers de Longueuil. Il avait remporté le championnat des marqueurs de la LHJMQ en 1985-86 avec 191 points en 61 matchs, donc 91 buts. Il a d'ailleurs joué sur le même trio que Luc Robitaille et de Pat Brisson, qui est maintenant aujourd'hui un agent de joueurs. Donc, j'offre mes sympathies à sa famille et à ses proches. Toute l'équipe des conduites de partie off, c'est sympathique. Ouais, c'est pas seulement moi. Ouais, je me rappelle de lui avec les Roadrunners de Montréal au roller hockey. Ouais, ça a l'air qu'il était quelque chose. C'était, hein? Non, mais c'était la star de la ouais, ligue. Ouais. C'était wow. Yes. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des Cataractes et des Voltigeurs parce que c'est extrêmement serré entre les deux équipes au classement pour le premier rang de la section centre. Les Cats et les Volts ne perdent plus. Et il y a maintenant seulement 2 points qui séparent les deux équipes, donc c'est une chaude lutte qu'on a droit entre eux. On peut maintenant rêver à une série Voltigeurs-Cataractes cette saison, et je peux dire que ça serait vraiment exceptionnel de voir cet affrontement en série. Ça serait tout que du bon hockey, et on pourrait penser là, que ça pourrait faire naître une bonne rivalité entre ces deux équipes, s'il y en a même déjà pas une. Donc c'est sûr que ça serait pas aussi fort que Shawi-Victo, mais justement là, avec les deux clubs qu'on a cette année, ça pourrait brasser en série de fin de saison. Donc les Cataractes devaient se rendre au centre Henri-Léonard jeudi et vendredi pour affronter le Drakkar de Baie-Comeau. Ils les avaient d'ailleurs battus par la marque de 7-3 à l'Arena Jacques Plante dans la dernière semaine. Les Cataractes ont sorti très fort, récoltant 4 buts en 3e période pour donner une victoire très facile de 8-1. Maxime Legault a été la grande étoile du match avec 4 buts et 2 passes. Cédric Lalonde-McNichol a continué sa bonne séquence avec au moins 1 point dans ses 18 derniers matchs. J'ai pu remarquer, Nick, que seulement 1476 personnes ont assisté au match. C'est vraiment déplorable. Là, le Drakkar, c'est certain qu'ils connaissent vraiment une saison médiocre, mais Baie-Comeau est vraiment en train de manquer le bateau là, avec les baisses d'assistance à tous les ans. Ça se demander s'ils vont être capables de survivre si ça continue, parce que c'est un des clubs, Nick, là, qui pourrait aller vers d'autres cieux d'ici quelques années. J'espère juste que c'était à cause de la météo. On se croise les doigts. Ben là-bas, c'est sûr qu'il y a un pont, je pense, qui a été brisé. Là, ah, je sais pas. C'est à 138? C'est à 138, c'est ça. Fait qu'il y en a comme qui sont isolés de leur bord. Okay. Je sais pas si ça peut affecter les foules, okay. Mais moi, je penserais pas que ça soit vraiment quelque chose qui change quelque chose. Qui change de quoi, parce que ça a toujours été comme ça. D'année en année, là, la baisse d'assistance chez le Drakkar. J'espère qu'ils vont réussir à survivre. Là, parce que L'affaire, c'est que l'équipe appartient à la ville. Donc, c'est plus facile pour une concession d'exister dans une ville où est-ce que c'est la ville qui est le propriétaire, parce que tu as moins de chances de déménager. C'est pas l'argent qui motive nécessairement. C'est plus de divertir. C'est une dépense plus que d'autres choses, dans le fond, pour la ville. Ça. Donc, les Cataractes devaient se rendre au centre Henri-Léonard jeudi et vendredi. Donc, le lendemain, ils affrontaient pour un 3e match en trois. La première équipe au classement général et l'entraîneur Éric Veilleux a fait confiance à son 2e gardien, Gabriel Girard, pour la rencontre. Dans cette partie, encore une fois, les Cats ont été dominants. Ils l'ont emporté 5-2. Et les Cats retournaient à la maison dimanche pour affronter le Junior de Montréal. Ils avaient la chance d'égaler une marque vieille de plus de 20 ans avec une 15e victoire de suite à la maison. Il y avait beaucoup de monde à l'Arena Jacques Plante pour l'occasion, alors que 2529 partisans ont assisté à ce match. C'est la 3e meilleure foule de la saison. Il y avait même plus de monde qu'au match inaugural. Imagine qu'à cause copie d'un chalet. Non, c'est ça. Donc, Cédric Lalonde-McNichol et Nicolas Peterson se sont personnellement occupés du junior alors qu'ils ont chacun marqué 2 buts pour mener les Cataractes à une victoire de 5-2, ce qui égale donc le record de 1982-83 avec 15 victoires de suite à la maison. Les Cataractes prennent le chemin de Verdun pour affronter encore une fois le Junior de Montréal ce soir. Ils seront à Drummondville ce vendredi pour un duel très attendu entre les deux équipes. Et ils reviendront à Shawinigan samedi alors qu'ils recevront la visite des Tigres de Victoriaville, ce qui leur permettrait de battre finalement ce fameux record de concession. Les Voltigeurs, maintenant, ils se rendaient dans les Maritimes la semaine dernière alors qu'ils avaient une série de 4 matchs en 5 soirs. Et les Voltigeurs ont bien répondu avec 4 victoires d'affilée. Ils ont vraiment démontré dans ce voyage que ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Et ils ne sont maintenant qu'à 2 points des Cataractes, mais avec un match en main. Les Voltigeurs se rendaient tout d'abord en Acadie pour affronter le Titan mercredi dernier. Ils l'ont d'ailleurs remporté facilement par la marque de 8-2. Ils ont nettement dominé au chapitre des tirs avec un avantage de 56-18. La partie la plus difficile de la fin de semaine était à Saint-Jean vendredi. Et non, ça n'a pas été facile. Ils l'ont emporté par la marque de 4-3. Et une chance qu'ils ont inscrit 3 buts rapides en première période et que Yannick Riendeau a marqué sur un lancer de pénalité en deuxième période. Dans la victoire, le capitaine des Voltigeurs, Marc-Olivier Vachon, a marqué 2 buts. Les Voltigeurs battaient ainsi un record de concession, eux aussi, avec une 11e victoire de suite. Marque qu'ils avaient établie pour les Voltigeurs de l'année 2005-2006. C'était l'année, d'ailleurs, de Guillaume Latendresse avec les Voltigeurs. Samedi, ils se rendaient à Halifax pour affronter les Mooseheads sur une autre victoire facile, mais cette fois, c'est par la marque de 4-0. Les marqueurs pour les Voltigeurs, Vachon, Hoffman, Massé et Koulikov. Et dimanche, face aux Rockets de l'île du Prince-Édouard, les Voltigeurs se sont encore une fois imposés, mais cette fois, c'est par la marque de 8-3. Gabriel Dumont et Mike Hoffman ont chacun récolté 2 points, ce qui constitue la 13e victoire de suite pour Drummondville, qui sont sans aucun doute l'équipe de l'heure en ce moment dans la LHJMQ. Si on fait un résumé là, dans la semaine des Voltigeurs dans les Maritimes, ça donne 22-8 au chapitre des buts. Et au chapitre des tirs, tiens-toi bien, Nicolas, go. 177-80. Oh, hey, c'est 2 pour 1, ça? C'est presque 100 tirs de plus que leur adversaire en 4 parties. Ça démontre vraiment là, comment les Voltigeurs là, sont dominants. On dirait un spécial de fabricant de manteaux de cuir. Hey, 2 pour 1, mon ami! Donc, on va voir s'ils seront autant ce vendredi alors qu'ils recevront les Cataractes au Centre Marcel Dionne. C'est un duel très attendu entre les deux équipes parce qu'ils se talonnent au classement. Ils s'affronteront d'ailleurs 3 fois dans le mois de décembre. Donc, ces matchs vont être extrêmement importants pour l'obtention du premier rang de la section Centre. Les Cataractes ont jusqu'à maintenant remporté les 3 premiers duels de la saison. Et les Voltigeurs termineront la semaine alors qu'ils recevront la visite des Huskies de Rouyn-Noranda ce dimanche. Les Tigres, eux aussi, faisaient le voyage des Maritimes en fin de semaine. Ils ont très bien fait, eux aussi, remportant 2 victoires en 3 matchs. Vendredi, ils affrontaient le Rocket. Ils ont besoin de la prolongation sur un but de Philippe-Michael DeVos pour l'emporter par la marque de 5-4. Brendan Hines a récolté 3 points dans la victoire avec 1 but et 2 passes. Le lendemain, ils étaient à Saint-John pour affronter les Sea Dogs et les Tigres se sont malheureusement inclinés par la marque de 3-2. Les Sea Dogs ont été en contrôle durant tout le match. Les Tigres ont réduit l'écart à 1 but en fin de 3e période, mais ils ont été incapables de créer l'égalité par la suite. Andrew Nestrasil a 2 points dans la défaite. Et dimanche, les Voltigeurs se rendaient à Halifax, les Tigres se rendaient à Halifax et ils l'ont apporté par 5-2. Maxime Gravel et Alexandre Lamboté ont chacun 2 points dans la victoire. Les Tigres s'en sont donc bien tirés de ce voyage, rapportant 4 points avec eux. Ils ont quelque peu monté au classement alors qu'ils sont maintenant 9e au classement général sur 18 équipes, ce qui est quand même pas si mal, là. Donc, cette semaine, les Tigres auront la tâche un peu plus difficile ce samedi alors qu'ils se rendront à Shawinigan pour affronter la grosse machine des Cataractes et ils reviendront au Colisée des Jardins dimanche alors qu'ils recevront les Olympiques de Gatineau. Et en terminant, Nicolas, la période des transactions du temps des fêtes est commencée. Donc, on va voir progressivement des échanges importants dans les clubs qui aspirent aux honneurs cette saison. Et aussi, je pourrais quand même pas passer à côté de la journée de samedi dernier, alors que c'est une journée historique dans le junior majeur, gardiens ont inscrit leur nom dans le livre des records, inscrivant chacun un but dans la même soirée. Donc tout d'abord, Maxime Goujon de l'Océanique a réussi l'exploit dans un filet désert, tandis que Peter Delmas des Maniacs a été crédité d'un but. Ce qu'on appelle de la loc, là. En termes de hockey. Dit, ouais, c'est ça, mais bon, c'est quand même 2 buts par des gardiens dans la même soirée. D'après moi, c'est quelque chose qu'on ne reverra pas souvent, là. d'ici la fin de la saison. Ben j'ai vu celui de Maxime Goujon, c'en était un beau, là. Ouais, c'en était un beau. Il a vraiment ramassé la rondelle, puis un tir. Écoute, il tire plus fort que moi avec un bâton de gardien, là. Ben, avec son stop. Gardien, c'est pas facile, là. Je te dirais qu'avoir de la précision avec ça, là, surtout. Ben, juste la rame. C'est-tu ouais, ça, un peu la Martin Brodeur 1900... Ben, ça me faisait penser à celui que José Théodore avait compté. Dans la position puis tout, ça ressemblait pas mal à ça. Ouais, mais Martin Brodeur, par exemple, que t'en parles, là, ça, c'est vraiment le gars qui manie vraiment le mieux la rondelle là, comme gardien de but. Là. Mais Carey Price est excellent aussi. Pour l'avoir vu en vrai, il y a une shot, que ce soit un tir du poignet ou un lancer frappé. Là. Ouais, mais il a encore approuvé le petit Carey Price, par exemple. Ouais, non, mais pour le contrôle de la rondelle, je parle. C'est ça, il a encore approuvé. Montre qu'il est capable d'en scorer des buts. Avec son gros bâton de goaler. Oui, avec son bâton de gardien. Ah non, c'est impressionnant. Et je vais terminer en félicitant Pierre-Alexandre Vandal des Cataractes, qui a été nommé un des joueurs étudiants du mois dans la LHJMQ. Il étudie, lui, d'ailleurs, en sciences de la nature, juste à côté d'ici, pas très loin, au Collège de la Flèche. Au Collège de la Flèche, yes. OK. Donc, c'est ce qui termine l'actualité de les nouvelles de la LHJMQ. Je regardais ça, là, quand on regarde le classement dans la division, c'est la conférence Ouest, dans le fond. Oui, oui. Tu sais, les trois équipes de la Mauricie puis Centre du Québec sont quand même bien placées, là. Ben, je te dirais qu'il y a Victoriaville et... Victoriaville est quand même, là... Ben, est en milieu, un peu, parce que... Dans le milieu de peloton, tandis qu'on a vraiment les Cataractes puis... Shawinigan. Voltigeurs, qui sont vraiment les deux équipes de l'heure en ce moment. Ça va brasser, je te dirais, en série de fin de saison si on a un duel entre les deux, puis ça serait vraiment... Ben, il y a des fortes chances que ces équipes-là vont se rencontrer un moment donné. Ben, il y a des chances, mais quand même pas tant que ça, parce qu'il faut se dire que en demi-finale, dans le fond, quand il reste quatre équipes, ils affrontent toujours l'équipe de l'autre division, dans le fond, les Maritimes. Ouais, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, ça serait vraiment en finale. Je sais pas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, c'est une nouvelle... C'est parce que tu rajoutes du voyagement pour les kids. Ouais. Mais ils en ont enlevé, par exemple, parce qu'avant ça, dans les séries, des fois, on pouvait affronter des équipes des Maritimes tout de suite en partant. Puis à Star, ben, c'est vraiment seulement juste à l'avant-dernière ronde. Y a-tu encore le règlement qu'une équipe de l'Est ou de l'Ouest peut passer à l'autre côté? Oui, si encore ce règlement-là, okay. Parce qu'elle est vu que les sections ne sont pas divisées également. Fait que Val-d'Or peut affronter Halifax. C'est ça. Wow. On se croirait dans CFL. Ça serait le fun. Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. Ben, ça m'a fait plaisir. Écoutez, on passe à une pause. Au retour, on va parler de la saison des Bowls, de la NCAA qui s'en vient. On va voir toute l'équipe football de les conduites de partie en studio. Dans deux minutes, tout le monde. Père Noël. Père Noël. Coudon, fais-tu bien me dire où ce qui est encore passé, celui-là? Et c'est sûrement encore accroché les pieds à la barrique. Ah oui, c'est là que tout le monde va chercher leur bière, du fromage, des terrines et tout ce qu'il faut pour le temps des fêtes. Et en plus, ils font d'extraordinaires paniers cadeaux. Fait que c'est où la barrique qu'on aille le chercher histoire d'avoir un Noël cette année? Rien de plus facile. C'est au 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous voulez vivre une expérience unique au cœur de la vie politique québécoise? 5 stages parlementaires de 10 mois, comprenant une bourse de 19 000 $ chacune, vous sont offertes. Vous travaillerez en alternance avec 2 députés de différents partis politiques, en plus de participer à une mission exploratoire à l'étranger et de collaborer aux activités de l'Assemblée nationale. C'est la proposition que fait la Fondation Jean-Charles Bonenfant aux étudiants diplômés de premier ou de deuxième cycle. Vivez la vie de député et prenez une part active aux grands enjeux de la société de septembre 2009 à juin 2010. Vous avez jusqu'au 15 février pour soumettre votre candidature. Pour plus d'informations, dans le 418-528-8194. 528-8194. Bonne chance. Vous êtes tanné de crier pour commander votre bière? Faut te prendre une bière! Faut t'en prendre une petite! Vous êtes tanné que votre bière goûte toujours la même chose? Oh non! Pas quand tu perriez avec de l'orge! Avec plus de 70 variétés de bières et plus de 30 sortes de scotch et son personnel accueillant qui saura vous conseiller, le trèfle et son ambiance décontractée est la place pour vous. 363 des Forges, ouvert 7 jours sur 7. Belle fun, sir! C'est beau en plus! Taverne irlandaise, le trèfle, 363 des Forges. Faites une rentrée remarquée. Il se déroulera la journée carrière en enseignement le mercredi 3 décembre de 11h à 16h à l'UQTR dans le hall du pavillon Albert-Tessier. Pour de l'information sur les perspectives d'emploi, les postes à combler et la façon de postuler, Plusieurs milieux scolaires représentés à la journée carrière en enseignement le mercredi 3 décembre de 11h à 16h à l'UQTR dans le hall du pavillon Albert-Tessier. Venez en grand nombre. Et c'était Major Lee avec la chanson La pilule du lendemain, chanson que je déduis, que je dédie à plusieurs de mes amis. Donc, il est présentement 9h35. Guillaume Beaulieu est en avant de moi. On va maintenant recevoir en studio JP Grenier. JP, est-ce que t'es là? Yes, salut les gars. Ça va bien, toi? Très bien, vous autres? Hey, ben oui. Good. Écoute, on parle pas plus de temps. Écoute, avant, je vais plugger. Les gens qui veulent nous écrire en studio live, va commercial, inconduitedepartie.com. Puis notre site internet, ôter le mot live et le A commercial et rajouter un www, ça devrait marcher. Donc, c'est la saison des bowls qui commence aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent pas un peu le football collégial, comment ça marche dans l'NCAA. Tous les matchs de football que vous allez voir pendant le temps des fêtes, quand vous allez vous lever ou le lendemain du 25 décembre avec un mal de tête. À vrai dire, ça commence le 20. Oh non, je le sais, mais pour mon analogie, c'était mieux comme ça. Donc, quand vous allez vous lever avec votre mal de tête, votre mal de ventre parce que vous avez mangé trop de dinde, la partie qui va jouer à la télé s'appelle un bowl, OK? Ne pas traduire par cuvette en français, OK? C'est un bol qui représente, dans le fond, le championnat. Ça a beaucoup historique comme nom. Qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs conférences dans la NCAA, parce que là on parle ici de la division 1 FBA, qu'on appelle, ou la Football Bowl Subdivision, en tout cas. C'est beaucoup de techniques, on va juste parler de ça. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs conférences. On va avoir dans ces bowls-là, le, mettons, la troisième meilleure position de la conférence USA qui va affronter la quatrième position dans la conférence Big East. Et plusieurs matchs comme ça, il y a une cinquantaine de bowls, si je me trompe pas. 25 bowls à peu près. Ah, il y en a, mon gars. Écoute, tu commences du 20 puis tu te rends jusqu'à le dernier, le 8 janvier. Ouais. Fait que c'est. Trois semaines faciles. Ah, c'est t'as là pour que c'est 40 jours à te faire parler de ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce à trois games par jour. Il y a des games en même temps parce que ça joue sur ABC, Fox, CBS, ESPN, NFL Network, Caster Bowl qui vaut pas grand chose. Ouais. Des choses comme ça. Donc, c'est vraiment étendu. Faut dire qu'il n'y a pas de match la semaine, par contre. Ah, okay, il va en avoir parfois. Tout dépendant à quelle date tombe Noël. Ça dépend. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout dépendant parce que ton Rose va tout le temps être le premier. Janvier. Oui, c'est ça. Donc, c'est ta date fixe. Comme on dit, le Rose Bowl va être le 1er janvier. Donc, c'est ça. C'est que les équipes vont s'affronter selon leur position. C'est pas tout le monde qui peut faire les bowls, mais c'est beaucoup trop d'équipes qui peuvent faire des bowls, personnellement. Donc, c'est ça. Puis, ça va mener jusqu'au bowl le plus important, le championnat national entre l'équipe classée première et l'équipe classée deuxième au BCS. Coach Guillaume, est-ce que tu Coach Beaulieu, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le BCS? Ben, en gros, là, le BCS, c'est le monde qui t'a un paquet d'associations. Donc, t'as le Big Ten, le Pac-12. Les grosses conférences. Toutes les grosses conférences. Puis, les gens. Ça a été développé en 1998 pour résoudre les conflits concernant les championnats du NCAA. Donc, cette série-là, la série BCS, ça résulte d'un accord entre les conférences là, qu'on a énumérées. Là, le Big Ten, le Pac-10, le Big 12, l'ACC, le SEC puis le Big East. La SEC, la SEC peut-être? Ouais, c'est la ça. SEC. Fait que la SEC. C'est dans le sud, c'est plus sec ouais, comme en droit. Un petit peu plus sec. Touloup, touloup, touloup. Fait que, c'est ça. En fait, eux autres, les conférences, ils s'accordent entre eux pour savoir ça va être quoi le classement. Puis t'as l'Université Notre-Dame aussi qui vient jouer un rôle de joueur de footeur de merde, si je peux me le permettre. Mais ils viennent décider, en fin de compte, qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon. Puis après ça aussi, qui vient se mêler là-dedans? Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. OK, je vais t'expliquer. C'est que tout le monde est dans des conférences, sauf quatre équipes, t'as Army, t'as Navy qui sont indépendants dans le fond. T'as, je pense, c'est Troy State, qui de toute façon s'en fout de Troy State. Puis t'as la fameuse Université Notre-Dame qui, elle, est dans aucune conférence parce que sa conférence, parce qu'elle a un contrat de télé pour elle du seul. Les matchs de Notre-Dame sont tous diffusés sur NBC. Sérieusement, là, si tu ne vois pas une game de Notre-Dame dans la saison. C'est parce que tu suis pas le football. Non, là. C'est ça. Là. Ils sont quasiment là toutes les semaines. C'est là. Ça. Donc, ce qui arrive, c'est ça. Fait qu'eux, ils n'ont jamais de cédule fixe. Ils affrontent pas des équipes de leur conférence du tout. Ils font leur propre cédule. Puis ensuite, quand arrive le temps des bowls, ben, ils sont justement, même s'ils jouent dans aucune conférence, ils ont quand même accès au championnat principal. Dans le fond. C'est donc bien mal fait, ça. C'est tous les contrats de télévision qui ont fait ça. C'est une grosse affaire d'argent. C'est même plus une ligue, genre, que tu as deux conférences qui s'affrontent un contre l'autre. C'est rendu que les contrats de télévision embarquent là-dedans. C'est vraiment de même, oui. En plus, Pierre-Luc, là, c'est que dans l'eau, tu as les organisateurs des bowls, eux autres, qui viennent décider de faire le pick à la fin. Fait que Orange Bowl peut décider ce qu'on appelle les at-large. Ouais. Dans le fond, c'est que, mettons, l'équipe qui devait être, mettons, on donne un exemple, le Rose Bowl, qui normalement va affronter la première position entre le Big Ten puis le Pac-10, donc mettons Ohio State puis USC. Bon, USC ferait le championnat national, donc peuvent pas être à ce bowl-là. Donc l'équipe qui va être choisie pour aller jouer dans le Rose Bowl va être une équipe at large, donc décidée par le bowl en tant que tel. Donc ils vont décider l'équipe qui va probablement le plus attirer de fans dans leur stade plutôt que de prendre l'équipe qui le mériterait le plus. Ouais, ben c'est ça. Fait que dans le fond, ils prennent pas les meilleurs, ils prennent ceux-là qui sont les plus intéressants. C'est un mix des deux. Mais habituellement, tu sais, quand ton équipe attire le plus, c'est parce que c'est probablement une des meilleures aussi. Là, non, regarde Michigan, cette saison, c'était pathétique côté résultat, mais la baraque était pleine. Là. 112 000 personnes par match. Là. Écoute, c'est quand même les réalités aux États-Unis. C'est du bon. Ouais, ben c'est de la tradition. Fait que c'est ça. Donc, ces conférences sont indiquées, justement, comme on disait, là, en fin de compte, les facteurs, là, c'est Notre-Dame qui décide où ce qu'elle se place. Puis après ça, c'est vraiment la capacité des revenus nationaux comme essentiel au succès là, de la réussite de l'accord. Là. Fait que, en fin de compte, ils décident de prendre le package qui va réussir à attirer le plus de revenus. Juste une petite statistique, là. Écoute, en gros, là, ça, c'est des affaires de millions. Là. Il y a, ouais, il y a du 210 puis du 300 millions qui se jouent à chaque année en commandite, en investissement, en revenus de TV, en cash-in aussi qui rentre là, pour les universités. Les universités. Donc, c'est ça qui est bien là, dans cette affaire-là, c'est que, justement, tous tes revenus sont redistribués dans tes universités après. Fait qu'il n'y a pas personne qui tire de l'argent là, de ça. Là, c'est vraiment... Comme on dit, les bosses sont des... Plusieurs, pas toutes, là, mais plusieurs des bosses sont des organismes à but non lucratif. Ouais, c'est des OBNL. Donc, ce que ça fait, c'est que, par exemple, le Orange Bowl, la bourse qui va être redistribuée aux deux équipes, c'est 17 millions en 2006. Donc, on va y aller pour 20 millions cette année. Ah, facile, là. Facile. Ah, crise économique. Récession. Récession. Donc, Étudiants, ça n'a pas d'argent. On fait peur aux gens. Puis, en tout cas, donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les gens veulent garder les bowls, parce que, justement, c'est une très grande source d'argent. JP, t'es-tu encore là? Ah, je suis toujours là, les gars, on t'a pas perdu? je me suis dit, il veut peut-être dire de quoi. Donc, parlons-en. Écoute, c'est bien beau les bowls, sauf que ce qui est arrivé cette année, c'est que t'as eu trois équipes qui ont terminé avec une fiche de 11 victoires, 1 défaite, qui avaient des cédules relativement de même difficulté. Donc, une équipe veut pas s'est fait avoir parce qu'elle se retrouve, là, on parle ici de Texas, s'est fait avoir parce qu'elle va se retrouver dans le Fiesta Bowl contre Ohio State au lieu de se retrouver dans le championnat national qui paye beaucoup plus, là, dans le fond. Parce que c'est Florida et Oklahoma qui se sont retrouvés avec ça parce qu'ils ont eu l'avantage. Ce qui est arrivé, c'est que Oklahoma a joué une partie la semaine dernière contre Missouri. Ils les ont plantés, puis c'est ce qui leur a permis de passer devant Texas. Tandis que Texas, eux, jouaient pas parce qu'ils n'ont pas. Ils ont pas remporté le championnat de leur conférence, mais. Mais, tu sais, tout ce qui est calcul de standing, là, mon gars, t'as un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte, là. Parce que ce qu'on n'a pas expliqué sur le BCS, dans le fond, c'est que. Comment ça fait le calcul? C'est au niveau du classement des médias, le classement des coachs, qu'on prend les positions de chaque équipe, qu'on met ça dans un genre de position c'est magique. C'est des computers qui calculent au complet. C'est ça. Le reste, ça va être des ordinateurs qui, par ces classements-là et par la difficulté de la cédule, vont faire un calcul pour... Écoute, un coefficient sur 0.1000. Écoute, au total, là, ouais. Quand tu additionnes tous tes facteurs au complet, ça te donne 1. Puis c'est comme, en fin de compte, tu vas avoir comme 500, puis ton but, ça va être de te rapprocher le plus du 1, ouais. OK. Je suis pas d'accord avec toi, Nicolas. Tes ordinateurs, eux autres, vont calculer à l'inverse. Attends, JP. Vas-y, JP. Moi, je serais plus porté à dire Alabama. Ben, ouais, mais c'est parce que la cédule d'Alabama... Le championnat de la SEC, qu'ils ont perdu la semaine passée contre Floride... Cette équipe-là, ouais. Avec une fiche parfaite, d'après moi, ils ne devraient pas baser le BCS là-dessus sur les matchs de championnat parce que, tu sais, ils avaient leur saison parfaite. Là. C'est juste que. Ouais, non, je comprends. C'est sûr que d'un bord, on peut dire ça, que tu es désavantagé parce que. Il aurait quand joues... même peut-être pu faire un rematch, si on veut, de Florida à Alabama en finale. Ça serait pas mauvais. Ils feront jamais un rematch. Regarde, tu te rappelles, Michigan contre Ohio State, il y a 2 ans, là. Ça avait fait ça, là. Une défaite par 3 points de Michigan. Ils se retrouvaient 3e. L'équipe en troisième position, en deuxième position, perd son match la semaine d'après. Puis ils ont fait quand même passer Florida devant Michigan parce que Florida avait joué dans le championnat, avait joué un championnat de la SEC, il avait gagné. Puis Michigan est en vacances cette semaine-là. Donc, ça ne leur a pas permis de participer à ça. Donc, ben, regarde, c'est pas compliqué. Là. C'est subjectif en tabarnouche. Ou c'est très subjectif. C'est trop subjectif. C'est beaucoup subjectif. Puis, gars, on va percer la piste, là. Allons-y tout de suite vers ça. Qu'est-ce qu'on attend pour faire un tournoi comme dans la division 1-2A qui, elle, est une fonction de tournoi? Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Ou encore dans la SEC, Nick. Oui, ou dans le football canadien. Parce que moi, je prône le modèle de ça, justement, de. Oui, c'est sûr, c'est ton standing national, là. Ouais. Tu sais, que c'est le monde qui vote, puis, tu sais, les coachs, puis tout ça, ça se vote entre eux autres pour savoir qui est premier. Mais au total, c'est ton résultat, victoire-défaite, qui compte vraiment, là. Tu sais, puis à la limite, faisant 50, tu vas en faire des balls, mais tu sais, chaque ball va te faire cumuler vers un autre, là, tu sais. Ouais. C'est là qu'on peut vraiment voir si les équipes sont fortes. Je sais pas si une équipe s'est bâtie une grosse fiche, mais en affrontant juste des petites équipes, oui, c'est sûr, ça va influencer sur le résultat des standings à la fin. Sauf qu'en même temps, en rencontrant des équipes en éliminatoire, là, tu sais, on dit pas d'émettre les 50, là, les 25 en séries éliminatoires, là. Peut-être avec 8, 10 équipes maximum, ce serait pas mauvais, gars, je pense. Ben, moi, je suis pas une forme d'hybride. OK, parce que là, Guillaume le disait tantôt, ce que Guillaume aime avec les Bulls, c'est que tout l'argent qui est fait par les commanditaires, tout ça, est redistribué aux équipes pour améliorer leur programme. Hey, c'est une grosse business. Là, c'est, c'est une business de multimillions. Donc, tout ça, c'est redistribué. Si on, l'argument, c'est que si on fait un tournoi, mettons qu'on prend les 8 meilleures équipes, ça va se disputer sur trois semaines. Donc, tu as 4 matchs la première semaine, tu en as 2 la deuxième, puis tu as ton championnat national la troisième semaine. Tu peux vraiment arriver, pour une fois, il n'y a plus de chiolage, on a un champion officiel. Par contre, comme Guillaume le disait, les balls, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi ôter les autres balls? On peut les garder, les autres balls, puis les répartir sur les, à partir du 20 décembre jusqu'au... souvent, ça va aller au 2 janvier environ, ou même il y en a un 5. Ben, là, c'est 8 à peu près, là, incluant tout ce qui est BC. Ben, je veux dire, si on note celui du championnat national. Là, jusqu'au... Mettons, là, ton dernier, là, qui est en gros, là, avant tes championnats nationaux, là, c'est tout ça, t'as AutoZone Liberty, là, qui est... AutoZone Liberty, bon? Ouais, hein, quand on dit c'était une grosse affaire de commandite. Qui est le 2 janvier. Là. OK. Bon, ben c'est ça. Donc, pourquoi pas garder ces bons-là? On fait affronter des équipes de la conférence USA contre le champion de la Sun Belt ou quelque chose comme ça. Là. Bon, ça, on les garde, mais certains bons, on prend, mettons, les... Attends, j'ai dit qu'il y avait 4, 6, 7 matchs de série, dans le fond. Entre les, on prend les 8 meilleures équipes selon les classements. On les fait s'affronter. Donc, mettons, on va prendre... le Capital One Bowl, on va en prendre un autre. On va prendre les quatre principaux, le Fiesta, le Orange, le Rose puis le Sugar Bowl. Donc, on a tous nos bowls. Selon les gardes, un peu comme on fait ici dans la SIC avec la Coupe UTEC, la Coupe Dunsmore. C'est ça, ça avait été championnat de conférence là, pour gagner un, ben il faut que tu gagnes l'autre automatiquement. Oui, ben c'est ça. Mais ça te permet de garder tous tes bowls en tant que tel. Puis, de quand même donner des revenus aux autres équipes qui n'ont pas accédé à ça. Parce que, personnellement, là, je préfère avoir des problèmes, mais de la difficulté à décider ou de la... Il me manque le mot, là, de la controverse. Merci, Nicolas. Donc, je me donne une tape dans le dos. Lâche pas. Donc, je préfère avoir de la controverse à savoir qui mérite la 8e position pour affronter la meilleure équipe au pays. Que avoir de la controverse pour savoir c'est qui la première, deuxième et troisième position. Comme c'est présentement, dans le fond. Comme ouais. Là, parce que là, c'est 50-50. Là. T'as 50% du monde qui disent que ça devrait être Oklahoma, 50% du monde qui disent que ça aurait dû être Texas. C'est parce que tes balles en plus, c'est que ça te fait pas de véritable champion. Là. Tu vas demander tout le monde en gagnant. Moi, je me rappelle, là, en 2003, USC contre Michigan. USC finit premier au classement. Oklahoma puis LSU finissent deuxième, troisième. Selon le BCS, c'est l'équipe numéro 2, LSU, je pense, ou Oklahoma, puis l'équipe numéro 3, LSU, qui ont fait le championnat national. Donc, l'équipe classée première au pays n'a pas accédé au championnat national. Ils ont joué contre Michigan dans le Rose Bowl. Ils ont gagné. LSU a gagné. Donc, tu avais deux équipes parfaites, puis il n'y a pas eu de champion. Ben, il y a eu comme un titre de co-champion. Y a-t-il quoi de plus poche qu'un titre de co-champion? Ça n'a même pas de bon sens. Ben, c'est vraiment... c'est une affaire d'argent à partir de là. C'est une affaire d'argent et de politique. Ça, c'est qu'ils veulent pas... Tout le monde le sait, on veut des playoffs. Que ce soit les réseaux de télé, les réseaux de radio. Écoute, je pense qu'il y a même un télégramme là, qui il dit ça de temps en temps. Là. Du morse, une fois de temps du en morse, temps. Du morse, le morse, morsing for bowls. Moi, for ce que je pense que les gars, ça l'éviterait, c'est que la saison, on joue un match. Tu sais, tu perds ton match en début de la saison, là, c'est fini. Automatiquement. Ouais. Tu peux pas te reprendre. Quoi que... Vas-y. T'as des playoffs, là, je me dis... t'as une chance de te reprendre contre une équipe que t'as perdue ou pourquoi pas, ça serait intéressant, je sais pas. Tu peux te permettre de perdre une partie. C'est ça, exact. C'est comme dans la NFL. Si tu perds une game, c'est pas grave, là. Mais dans la NCAA, tu perds un match. Merci à l'année prochaine. Ben, regarde, Texas Tech cette année. Hein, saison de rêve. Ils sortaient de nulle part. On comprend pas trop pourquoi ils sont devenus bons comme ça. Il y avait un excellent receveur de passe. Mais, puis affronte bas Texas. Il était à domicile. Bas Texas. Là, il était deuxième au pays en arrière d'Alabama. Et ça a été une game de malade. Ah oui, ça, c'était là, débile. C'est de toute beauté. C'est là, un samedi soir. Oh, et non, c'était un samedi, là. Un mois, 4-5 semaines. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était wow, là, écoute, et probablement une des meilleures games que j'ai vues, là. Puis chaque, tu sais, c'était pin à pin, là. Écoute, Texas faisait une bonne progression. Texas Tech en faisait un autre. Puis ça s'est changé à balle, là, même, tout le temps. Ça s'est fini à quelques secondes de la fin, là. Facile, un espèce de revirement. Non, c'était une passe sur le bord des lignes que le receveur. Que le défenseur avait il était en train de le frapper dans le fond, puis il a manqué son plaqué. Il a réussi à rentrer. Le fameux receveur, il me manque son nom là, ce matin, là, mais le fameux receveur qui va sortir d'un premier dans la NFL, là, beaucoup de talent. Donc, ça, mais là, après ça, la semaine d'après, on va perdre contre Oklahoma, qui, en passant, est classé premier au BCS. Mais cette défaite-là a fait que tout le monde a fait dans les pools médias, dans le fond, on a tout fait. Ouais, ben ça, pas si bon que ça. Fait que donc, Texas Tech, avec une fiche de 11-1, termine la saison 8e. 8e. Ben, 7e, 8e, là, ça dépend quel. Ça n'a même pas de bon sens. Quel pôle. Mais c'est ça. Quelque chose. Comment c'est fait, moi, je trouve que c'est un peu. C'est une question de tradition là, qui arrive. Tu fonctionnes avec un système depuis 50 ans. Tu peux pas, puis les traditionnistes ne veulent pas le modifier en tant que tel. À la limite, ça passe encore parce que c'est les journalistes qui votent ou c'est les coachs qui votent. T'as un genre de consensus, si je peux dire, mais avec le BCS, c'est les ordinateurs qui sont venus rajouter ça, puis tout le monde a eu ça, là. C'est juste à retarder l'inévitable. Tu sais, là, ça donne des aberrations parce que on parle du Orange Bowl. Parlons-en. Orange Bowl, qui je disais tantôt, 17 millions de bourses, va affronter Cincinnati. Champion du Big East, qui sont classés 12e. Donc, belle progression, par contre, à Cincinnati. L'université, leur programme s'améliore d'année en année. Qui fait une fiche de 11-1 contre, puis ça, c'est dégueulasse, là, Virginia Tech, classé 21, fiche de 9 victoires, 4 défaites. Son 21e, c'est ouais, bien, son 21e, c'est parce qu'ils ont remporté, c'est parce qu'ils ont remporté leur championnat de leur conférence. Okay. Ce qui leur donne automatiquement une place dans l'Orange Bowl. Le problème, c'est que là, tu as de plus en plus d'équipes qui viennent des petites conférences un petit peu partout à travers les États-Unis qui terminent avec des fiches parfaites. Boise State, le meilleur exemple. Ils ont terminé 9e avec une fiche de 12 victoires, 0 défaites. Ils auraient mérité un meilleur sort, là, on s'entend, mais parce qu'ils jouent dans une petite conférence, ça ne vient pas leur aider. Ils vont se retrouver dans le Poinsettia Bowl. La bourse du Poinsettia, 750 000 $. Ouais. Donc, il y a un manque à gagner de 16 350 000 $. Tu parlais de Boise tantôt? Oui. Boise va jouer contre TCU au San Diego Country Credit Union. Poinsettia, justement, comme tu disais. Là, écoute, Veux-tu le répéter? San Diego. Alors, prends ton souffle entre le San Diego. Country Credit Union Poinsettia. Écoute, mon gars, il y a de l'argent. Puis ça doit être presented by PlayStation with the help of. Une autre compagnie. mais c'est juste 750 000. Tu comprends ce que je veux dire? Non, programme comme Boise State, qui est en constante évolution, ceux qui ne savent pas c'est qui Boise State, leur terrain de football est bleu. Juste comme ça. Ouais, là. Ça, c'est quelque chose. Et selon une légende urbaine, les oiseaux rentrent dedans, dans le terrain, parce qu'ils pensent que c'est un lac. C'est selon la légende, mais c'est en Idaho, les patates, puis tout ça veut rien dire. Donc, c'est ça. Donc, on va parler, écoute, des bowls principales. Comme on a dit, le Orange Bowl, bon, ben, je vous l'ai dit. On va avoir le Rose Bowl qui va affronter Penn State, donc gagnant du Big East. Le Rose Bowl aussi, je peux me permettre d'ajouter, vas-y, là, vas-y. Si vous avez la chance de regarder le matin la fameuse parade du Rose Bowl, mon gars, là, c'est écœurant, c'est de toute beauté. C'est... Les chars allégoriques, c'est super. Écoute, en plus, c'est à Pasadena, au Texas. Californie. En Californie. Écoute, il fait 20 degrés Celsius dehors. Les oiseaux chantent. C'est super beau. T'es tellement romantique. Non, mais tu te réveilles. Sérieusement, tu te réveilles le 1er janvier au matin, puis t'as le goût d'écouter la parade du Rose Bowl. Là, ça se fait en famille. Ah non, c'est le genre d'activité qui se fait. C'est un peu comme regarder la parade du Père Noël de Disney le 25. Ouais, ou la guerre des Tucs pour nous autres. T'sais. La parade du carnaval aussi. Ciné-cadeau. Ouais, Astérix qui commence dans pas long. Donc, le Rose Bowl va affronter Penn State, classé numéro 6, contre USC, classé numéro 5. Ça va être excellent comme match. Donc, c'est le champion du Big Ten puis du Pac-10 qui vont s'affronter. Dans ce cas-ci, ça a donné un super bon match. C'est de la tradition. C'est tout à c'est relativement les mêmes équipes qui vont s'affronter. Donc, ça, c'est de la tradition. Ça va donner un excellent match. Dans le Fiesta Bowl, Ohio State, classé 10e, qui, à mon avis, ne mérite pas d'être là, va affronter Texas, classé numéro 3 dans le Fiesta Bowl. Je donne la victoire tout de suite à Texas. Oh, qu'est-ce que t'as-tu... Ah, ben oui, toi. Ben oui, JP. Grand fan invétéré des Buckeyes. Des Buckeyes. Je comprends pas ce qu'ils font là non plus au Fiesta Bowl. Buckeyes. Toi, t'aurais mis Boise State pour répéter ce qui est arrivé là 2 ans? Ça aurait été écœurant, mais regarde... Non, on s'en souvient. Puis c'est ça qu'on parlait. On dit, les petites conférences se font avoir parce que, dans le fond, ils peuvent pas... Hey, on va finir ça bien vite. Je viens voir l'heure. On avance. Sugar Bowl, Utah, numéro 17, contre Alabama, numéro 4, 12-0 pour Utah. On leur souhaite bonne chance. Et dans le championnat national, Florida, numéro 1, contre Oklahoma, numéro 2, ça va s'affronter le 8 janvier. Réduction, les gars, vite. Non, on n'a pas le temps. Vas-y. Florida ou Oklahoma? Florida. Florida. Wow. Je vais aller avec Oklahoma. Oh, on a un difficile. Je vais avec Tim Tebow et Florida, moi aussi, de mon côté. Donc, merci, gars. On va conclure là-dessus. Calendrier, écoutez, il n'y a pas grand-chose cette semaine. C'est une très petite semaine. Donc, vous avez entendu Pierre-Luc parler tantôt. Donc, on vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. On va fermer ça très rapidement, cette belle émission. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. À la prochaine. Salut, là.